Lisa Marie, Lisa Marie. Lisa Marie, Lisa Marie. Lisa Marie, Lisa Marie. Lisa Marie, Lisa Marie. Lisa Marie, moi je m'appelle Lisa Marie. Je t'ai demandé.